Marc chapitre 5. Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde, sortit d'abord des sépulcres, et le vint rencontrer. Cet homme faisait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne le pouvait tenir lié, non pas même avec des chaînes. Parce que souvent, quand il avait été lié de fer et de chaînes, il avait rompu les chaînes, et mis les fers en pièces, et personne ne le pouvait dompter. Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les montagnes et dans les sépulcres, criant, et se frappant avec des pierres. Mais quand il eut vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant à haute voix, il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu souverain ? Je te conjure, de la part de Dieu, de ne me point tourmenter. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit immonde. » Alors il lui demanda, « Comment te nommes-tu ? » Et il répondit, et dit, « J'ai nom Légion, parce que nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment qu'il ne les envoyât point hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le priaient, en disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau, qui était d'environ 2000, se jeta du haut en bas dans la mer, et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui paissaient les pourceaux, s'enfuirent, et emportèrent les nouvelles dans la ville et dans les villages. Et ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait été possédé de la légion, assis et vêtu, et en bon sens, et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu le miracle, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à le prier, qu'il se retirât de leur quartier. Et quand il fut entré dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque, le pria de permettre qu'il fût avec lui. Mais Jésus ne le lui permit point, et lui dit, « Va-t'en à ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla donc, et se mit à publier, en Décapolis, les grandes choses que Jésus lui avait faites, et tous s'en étonnaient. Et quand Jésus fut repassé à l'autre rivage dans une nacelle, de grandes troupes s'assemblèrent vers lui, et il était près de la mer. Et voici, un des principaux de la synagogue, nommé Jairus, vint à lui, et le voyant, il se jeta à ses pieds. Et il le priait instamment, en disant, « Ma petite fille est à l'extrémité, je te prie de venir, et de lui imposer les mains, afin qu'elle soit guérie, et qu'elle vive. » Jésus s'en alla donc avec lui, et de grandes troupes de gens le suivaient et le pressaient. Or une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et avait dépensé tout son bien, sans avoir rien profité, mais plutôt était allée en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et touchait son vêtement. Car elle disait, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Et dans ce moment la perte de sang s'arrêta, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Et aussitôt Jésus, reconnaissant en soi-même la vertu qui était sortie de lui, se retourna vers la foule, en disant, « Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Mais il regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix, et sois guérie de ton fléau. » Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le principal de la synagogue, qui lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi donnes-tu encore de la peine au maître ?» Mais Jésus, ayant aussitôt entendu ce qu'on disait, dit au principal de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, et à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. Puis il vint à la maison du principal de la synagogue, et il vit le tumulte, c'est-à-dire, ceux qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Et étant entrés, il leur dit, « Pourquoi faites-vous tous ces bruits, et pourquoi pleurez-vous ? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. mais Jésus les ayant tout fait sortir, prit le père et la mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui, et entra là où la petite fille était couchée. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit, « Talita, Kumi, qui, étant expliqué, veut dire, « Petite fille, je te dis, lève-toi. » Et d'abord la petite fille se leva, et marcha, car elle était âgée de 12 ans, et ils en furent dans un grand étonnement. Et il leur commanda fort expressément, que personne ne le sût, puis il dit qu'on lui donna à manger.